L'émission Nuisance qui débute. Nous sommes le. Laissez-moi réfléchir. Nous sommes le 1er juillet 2011. Et c'est bientôt la fin du monde. Comme vous vous souvenez, le 31 décembre 2010, j'étais là, oui. J'étais le bénévole de la radio qui était là, à tenir l'antenne. Et je vous annonçais la fin du monde. Eh bien, la fin du monde est encore plus proche. Elle s'approche de jour en jour. La fin du monde va bientôt arriver. Et avec cette fin du monde, l'on peut se demander ce qui a changé. Eh bien, je vais vous rassurer une seconde, et seulement une seconde, rien n'a changé et rien ne changera jamais. Bien. Maintenant que tout est dit, je puis vous dire que l'émission de ce soir a pour thème « Tuez-les tous ». Tuez-les tous comme dans le verbe « tuer ». Les comme le pronom adjectif je ne sais quoi, et tous comme le qualificatif de ce qu'il faut tuer. Quoi. Voilà. Donc tuons-les tous avec un déplaisir immense, car nous déplaisons à nous-mêmes et que je suis un maniaque complètement mentalement atteint, n'oubliez pas. Vous êtes donc sur une radio libre, s'il en est une radio unanimement, catégoriquement libre, s'il en existe. Radio. Le thème de ce soir. Et le thème de ce soir n'est pas silence radio, mais bien tuez-les tous. Tuez-les tous comme dans le verbe tuer, les comme la laideur et tous comme tousser. Silence radio n'est pas. Vous allez donc crever à la fin de cette émission. Il sera fini, la vie sera finie à la fin de cette émission. Pas mutisme. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui sera censuré ne sera pas censuré car dit en anglais ce soir. I will fuck you all in the asses and you will all die in pain. Ceci étant dit, vous pouvez donc souffrir magnanimement. Je ne puis pas exprimer en verbe. Merde. Et ensuite, passons au sujet le plus contondant de l'émission Nuisance, l'émission brutiste E. S'il en est une. Allez vous faire. Tous vous faire tuer ce soir pour pas cher, pour 1 € par jour, vous faire tuer. Vous faire tuer par une société, un environnement catégoriquement con et péniblement insubtil. Vous allez donc mourir dans une douleur atroce. Atroce comme sur les paquets de clopes, je ne fais que vous prévenir de votre mort ultime. Silence radio. La dernière mort que vous vivrez. Et vous allez mourir donc dans cette torpeur idiote et stupidement conne, pardon. Je n'articule pas. Bon, un peu, et ça y est, l'enregistrement est lancé. Et je vais donc m'empresser de vous butt fuck you dans le derrière. Et moi-même. Nous n'allons pas comprendre ce qui se passe ce soir, car ceci est une émission nuisante, s'il en est une, l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Bienvenue, vous êtes à présent avec moi, Al. Oui, c'est bien moi, Al, et je vous présente l'émission qui va vous nuire. De vous faire vous rappeler de moi. Qui vous nuit déjà, d'ailleurs. C'est moi, précision. Donc allons tous nous faire mourir et ensuite nous allons crever d'abcès furon culotte. Le pastis coule à flot, le ricard aussi, c'est le soir du vernissage, mais malgré tout nous allons mourir. Oui, nous allons mourir de furonculeux pédoncule purulent. La sagesse n'est pas de mise dans cette émission incohérente, s'il en est une, toujours. Une radio anti-dédicace, donc ne dédicassons rien. Il est 9h. Pour suivre la présentation du groupe. Pour, il n'est pas 9h, il est 21h et 23 minutes. Ce soir, c'est du silence. Et ce soir, ce n'est pas du silence que vous allez apprécier ce soir. C'est bien du bruit, car l'émission Nuisance est une émission brutiste, il en est une. Et toujours, nous vous présentons du bruit brillant, du bruit pénible, du bruit nuisant. Vous n'aurez rien ce soir sur la radio. Et donc, pour être encore. À part de la pénibilité, peut-être, vous n'aurez rien sur la radio ce soir. Silence, mais pas mutisme. Et comme vous le savez déjà, vous n'avez pas à apprécier la chose, puisque la chose n'est pas à apprécier, la chose est à vivre. Si donc vivez la nuisance. Elle aussi, pour s'en arrêter. Vivez la derme, l'hypoderme, l'hyperderme, l'hypraderme. Quelle règle? La derme de la IV. La vie qui nuit car elle tue à la fin. La vie est mortelle, mortellement mortelle. La vie c'est mort, car à la fin il n'y a que la mort à attendre. Oui, l'émission Nuisance est une émission positiviste. Optimiste, nous pouvons vivre pour mourir, donc l'amour de la mort toujours omniprésent. Nous apprécions déjà le silence de la mort. Et le bruit de Nuisance, donc Nuisance, l'émission brutiste. Je n'y entrave que dalle. Et je n'y entrave toujours que dalle. Le message s'adresse aussi à vous. Deux ans après, je n'y entrave toujours que dalle. Ceci ne changera jamais. Je ne comprendrai donc jamais rien à rien. Et toujours la stupidité dans l'émission. Nuisons, nuisons. Oui, et bien nuisons justement à l'intelligence, à la sagesse, à la sacro-sainte humanité, puisque je ne suis pas humain, je suis un handicapé. Et bien voilà, je suis un sous-humain, et bien allons nous faire foutre pour cela. Oui, crever, crever dans l'abcès furoncueux de la merde atrophiée. Oui, toujours, ceci ne représente rien. Et ne représente pas plus que ce que représentait la chose avant, mais toujours, toujours nuisante. Nous allons crever. Et pourquoi nous allons crever? Parce que la merde est de mise. And I wish I were already dead, but I'm not dead yet, so I'm gonna have to make you suffer for it. Je vais vous faire souffrir ce soir, souffrir. Pourquoi? Parce que j'existe et que malheureusement vous ne m'acceptez pas. Première nuisance, celle d'exister. Et nous allons crever, donc vivement la crevure, puisque nous allons enfin nous libérer de cette vie atroce. Nous sommes des sales cons, nous ne sommes pas des sales humains. N'oublions pas les sales métèques comme moi, ou les sales macaques comme moi, ou les sales quoi que ce soit comme moi. Nous sommes tous de la foutre. Nous sommes tous de la foutre, donc comme ma mère qui ne sait pas conjuguer un verbe entre parenthèses. Nuisance, elle, l'émission sait. Ce qui est important, c'est toujours de savoir, n'est-ce pas? Elle sait conjuguer un verbe entre parenthèses. Le verbe S. Ouais, alors de comprendre. De comprendre, donc toujours. En effet. Le en effet étant une incité. Comme ainsi. Ainsi va la vie. En nuisance. Nuisance is a show, a radio show, which fucks you all, and I don't give a fuck, I'm in France, I can say fuck you motherfuckers, I can say you are all dumb shits, and I can also say you will fuck your mothers in the asses, you motherfucking shit, fuck holes and fucking shit, fucking holes and fucking ass and fucking shit, shit, shit. Oui, je peux dire tout ça, car ceci est la France. Vive la France! La France où je peux dire toutes les insanités que je veux en anglais, puisque ce n'est pas censuré. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter la radio pour savoir que les chansons ignobles ne sont pas censurées en France. Ou devrais-je dire... ils ne protègent pas nos enfants? Ne coupez pas, ne censurez pas, surtout ne faites cela, je veux dire... Merde. Ne coupez pas de paroles des gens intelligents ou des autres. De la radio. Comprendre donc l'incompréhensible, la fameuse lutte souveraine chez un être humain ou une être humain, une maîtresse humaine. Donc comme un être humain est un étron flaculent, vive la tulle. Vous l'avez compris, l'émission Nuisance de ce soir, donc du 1er juillet 2011, est une émission rétrospective des émissions Nuisance enregistrées sur MP3, donc sur l'enregistreur MP3 de la radio. Eh bien, vous aurez droit ce soir à plusieurs émissions en accéléré et en continu, oui. C'est là, là. En même temps. Une imprécision peut-être, bordel de merde. D'un là serviteur. Comme lassitude. Là, donc, comme lassitude, même que. Je n'espère plus en vous, ou en nous d'ailleurs. Je n'espère qu'une seule chose, que l'on soit assez con pour comprendre donc la justesse, donc, comme nous disions, la compréhension, justesse, juste de la... Il est là le silence, vous l'entendez ? Le maître mot de cette compréhension et comme de cette action, menée à... Et merde. Service. Le maître mot de cette action et de cette compréhension est la merde. Pourquoi ? Pourquoi ce soir, dois-je vous expliquer pourquoi la merde, c'est la grosse merde même, entre parenthèses, entre guillemets, c'est le maître mot de cette émission. Pourquoi c'est la grosse merde, c'est le maître mot, je vais vous le dire pourquoi, parce que c'est la grosse merde. C'est la grosse merde à vivre et à mourir, la liberté enfin. Si tant est qu'il y ait un vilain espoir, nous le condamnerons aussitôt qu'il adviendra. Ne vous souciez donc pas de l'espoir. Nous nous en chargeons. Pour vous ce soir, vous avec les aigus là. Sur Canal Sud 92. Vous voulez peut-être un peu plus de basse. Je ne dirai jamais assez ou canalsud.net. La radio. Et là, ça va mieux. Vous m'entendez là toujours ? Enfin, le silence quoi, je veux dire. Pas moi. Hein. N'oublions pas, nous allons tous crever. Nous serons donc libérés un jour de cette émission pénible. Donc, d'être en temps des radios libres en France. Radio libre ou mourir. Le silence, c'est haut. Donc, on espère que. C'est oh là là, le silence. Chouette. Et nous aussi, on espère crever pour l'État. Donc vive l'État, dame. Chouette, le dame silence. Ned, l'État, dame. Radio. Histoire sur nuisance. Oui, le silence. Violence. Oui. Eh bien, comme je vous disais, ceci est une émission rétrospective avec ma voix en présent, en présence de ma voix. Vous allez donc supporter ou pas plusieurs heures de cette émission pénible qui est nuisance. Oui, messieurs, dames, vous allez donc avoir à supporter un son pénible à supporter, celui de nuisance, l'émission brutiste par excellence en France. Allons tous tout faire en tubé. Sur l'avenue qui fait le tour, là, le boulevard de Strasbourg. Nous n'osons plus dire la vérité. Nous n'osons plus rien dire. Nous n'osons plus dire ce qui nuit. La nuisance. Eh bien, je l'ai dite. Je l'ai dite, la nuisance. La nuisance est celle-ci. Celle sonique. Ni queue ni tête. C'est la nuisance pour l'animal du logos qui est l'humain. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelque chose à dire ? Non, je n'ai absolument rien à dire, à part allons tous nous faire. Nous avons donc deux invités, une personne et une autre. Et moi-même, je ne suis pas... Donc, ma cigarette s'est éteinte. Et... Sur Canal Sud, 80. Par magie, j'ai vu les choses saturées dans mon esprit et toujours cette... J'ai des problèmes... Mélancolie. Oui, j'ai des graves problèmes de mélancolie ce soir. Eh bien, allons tous nous faire. Si, de la mélancolie, même ex-acerbée. Il faut le dire deux fois pour s'en souvenir le reste de sa vie. Par l'excision. Ensuite, vous n'êtes toujours pas de ceux et de celles qui voient. Je ne suis pas de ceux ou de celles qui voient. Subjectivité. L'âme qui va galop. Accélération non entendue. L'âme de merde, je l'encule. Allons tous nous faire enculer. Nous sommes des gros bâtards, nous allons tuer les fachos. Nous sommes des gros fachos, nous allons tuer les fachos. Oui, la douceur des états d'âme. La vie est belle. Bientôt mourir sous un poids fardeau sien. Comme gnostique. L'absolu des temps est donc accessible. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nationalisme, etc. Donc. Une radio sans dédicace, Canal Sud, comme vous pouvez voir sur toutes les émissions, dont nous avons pas de dédicace. Comme une liaison entre les liens. Les liens, donc entre les liaisons et les liens. Donc, vous connaissez. Les dédicaces sont rien. La fameuse justesse. On observe très peu de variations de nomenclature, mais au moins elle reste là. Donc, la culture est toujours celle que l'on veut qu'elle soit. Culturons-nous, nous sommes en train de cultiver des graines de quelque chose que je saurais juste dans les couilles. C'est juste. C'est justement ce que c'est. La culture et son avatar. C'est la lumière. Purement gratuite, envers la vulgarité, l'arrogance, l'habituel. Donc un clavier qui s'accélère momentanément. Toujours. Dans l'accélération, non, à l'accélération, c'est vers la mort que nous allons tous en chantant. En chantant. Et de voir la mort et la souffrance étant le maître mot de cette existence, Nuisance est là pour vous le rappeler, encore une fois. Toujours fidèle au poste, mes potes. C'est moi, nous le rappelons, donc Nuisance est dans l'émission qui nuit au sens. Cette année 2011, l'année de la zonze, soyons heureux. Et là, l'année 2012 sera l'année de la douze. Soyons heureux. Avoir de la patience. Pour l'accepter. Je vais veiller à décrocher le téléphone pour ne pas avoir d'appels qui me disturberont. Ce soir, donc un vendredi, je ne sais quelle date. Il faut donc une rature. 2011. Pour cette émission, et elle est faite. Seulement 10 minutes pour s'exprimer sur les ondes hertziennes et internetiennes. Prie Étienne. N'appelez pas sur. Okay, interne-toi. Voilà, on en sera mieux comme ça. La colère et la compassion, toujours vaincrice. Toujours la volonté. Vaincra. La volonté là, allez, un peu plus de volonté. De la volonté. Vainqueuse peut-être. Et aussi un petit peu de suspense. Parce que un buzz plus tard. Toujours, pas eu, toujours la même démence. Inatrophiée. Il n'importe peu dans une émission censurée comme la nôtre de parler ou de ne pas parler. Ce qui est important, c'est de ne rien dire de censurer. Donc nous censurons rien à part nous-mêmes et les autres. Nous faisons notre devoir républicain, on se joue. Du donc, Saint, Père de Saint même. On nous appelle, je vais donc couper le micro pour pas déranger. Donc, ne risquons absolument rien et restons sur nos gros culs. Et chions dessus. Quel plaisir. Salut, c'est interdit les saluts donc toujours sur cette émission. Nous sommes des sales cons, nous ne sommes pas des saluts. Et vous êtes condamnés à écouter cette merde encore une fois, offerte pour vous par personne, car nous demeurerons donc demeurer. C'est la même chose à la fin. Pour vos saints services, l'enfer et sur terre. Croyez-nous donc fous. Croyez-nous donc. Croyez-nous. Vous croyez. Un peu dérisoire. Ce qui est important, c'est toujours de savoir, n'est-ce pas? Société de savoir, de connaissance, de. Ou alors de comprendre. Comprendre donc toujours. Moralité, ne prenez absolument rien pour changer la conscience, ce serait mal. Comme de changer d'ailleurs de conscience par des voies naturelles. Aussi. À part les nôtres, nos voix sont naturelles et bonnes. Les leurs sont de la merde. Enfin, carrément, c'est de la merde. Mais taisons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons pas risquer encore des rétaliations de l'adversaire, des adversaires, pour les culturels, soi-disant. Moi, sur la culture, c'est une culture la pensée. Qu'impose la fameuse pensée logorienne. Qu'impose la loi. Logos. les aigus étant donc travaillés à la machine à boiter. Reculé, donc, je ramène une sacrée boîte de terre à chaque fois que je fais les hivers. Une merde. Du coup, pas ça, dirais-vous. C'est ça. Quelqu'un pas aujourd'hui. N'oublions pas la fameuse justesse de propos. Les vannes ne censurez pas, surtout ne faites rien. Cela, je veux dire, ne coupez pas la parole des gens intelligents ou des autres. Fameuse lutte souveraine chez un être humain ou une être humain. On entend des basses qui frétillent et des gens qui parlent. On ne sait pas de quoi on parle, bien sûr. Un être humain est un être humain. Nous sommes les seuls qui savons de quoi on parle. À part les autres, peut-être, qui savent de quoi on parle. À part cela et nous, les gens ne savent pas de quoi on parle. C'est pas tout ça, mais le langage, donc, toujours une précision ou pas. Je m'en ferai rien. Tu peux apporter, peut-être. Quoi ? D'éviter des règles organisées. Pour saturer donc les amplis des uns et des autres. Une imprécision peut-être de la part à la serviteur. Comme lassitude. Là donc comme lassitude, même que. Je n'espère plus en vous. Toujours cette logique. Ou en nous d'ailleurs. Je n'espère que une seule chose, que l'on soit assez con pour comprendre donc la justesse. La compréhension, justesse, juste. Le bruit du logos, donc nous écoutons le bruit du logos. Justesse. Pensée, donc absurde. Celle qui nous nuit. Nous écoutons donc la pensée pour connaître l'adversaire. L'action menée à absolument ne rien faire pour nous rendre service. Son nom, annihilation, nous nous dépassons nous-mêmes. Nous sommes en dessous de tout ça. Nous sommes des sous-humains. Sans état d'âme, que la société française est une mère pourrite. Bien qu'elle ne purule que conséquemment. Cache-misère. En tout cas, l'exclusion est en reine et... la réclusion est en roi. Là, là, là. Faisons donc des poèmes avec ce. Étalé devant vous pour vos mirettes, vos oreilles. Vous connaîtrez la voix. Tentez qu'il y ait un vilain espoir. La voix donc le condamnerons aussitôt qu'il adviendra. Ne vous souciez donc pas de l'espoir. Nous nous en chargeons. Pour vous ce soir, nuisance, donc toujours sur Canal Sud 92.2 FM. Je ne dirai jamais assez, ou Canal Sud.net. La radio. Brutalité, donc. Qui fait voix libre. Merci. Prenons donc une intolérance comme une inespérance. Le 31 de la radio cette année, le 11. Qui est comme piégé dans un corps matériel. Donc le traitement des radios libres en France. Radio libre de mourir. Si je croyais ce que je pense, alors je dirais. On espère que l'État arrivera à les crever toutes. Que UE. Et nous aussi, on espère crever pour que l'État. Vive l'État. Dame. Enfin, plaisir. Dame Ned, l'État d'âme. De cheval. Qu'ai-je dit ? Ego. Démesuré ou mesurément celui d'un cheval. Une fois, l'ego n'ira pas bien loin. Il servira de siège. Momentanément, existe dans la ludique. Le frotti-frotta avec la selle, donc toujours aussi amusant pour les petits et les petites. La sexualité. La sexualité comme négation de la sexualité, comme abstinence de la sexuelle. Nous appelez au 05. Une asexualisation et nous sommes assez fiers, nous avons atteint le summum du Nibbana, donc en Bali, du Nirvana intégral. Nous sommes actuellement le vendredi 14. J'ai réussi. 14 janvier 2011, je me suis souvenu donc de la date d'aujourd'hui. donc de ce monde. Donc, 2011, l'année de la zonze. Ça va pas se mourir. 2012, l'année de la touze. Ça me tuera vite. Nuisance, c'était une émission, fut une émission ce soir écourtée par un je ne sais quoi d'absurde encore. Et d'incohérent. Sur la carte. Sans d'habitude. Carte de visite de cette ville. Tout est pour tout effectuer une émission de 30 minutes. Je remercie mes invités. Pluriel. De quoi ? Là, je mets les mots dans le mauvais sens, je dois être fatigué, il vaut mieux que j'arrête tout de suite, sinon je vais rater mes potes qui vont passer à la maison. Et donc je vous laisse sur un son, je sais quoi, mais vous ne saurez pas. Des fois, des Z, comme dans LOL, il y a deux Z, vous voyez, et également deux H. Deux H, donc symbole de la courtoisie. La cigarette s'est éteinte et s'est ensuite rallumée. Par magie, j'ai vu les choses saturées dans mon esprit et toujours cette mélancolie. Vous êtes sur Canal 8 92.2 FM, c'était l'émission From Jazz to Jazz. Si, de la mélancolie, mais ex-acerbée. Précisément. On parlait d'excision. De circoncision. Qu'est-ce qu'on peut être con ? Culture. Culture donc comme nomenclature dorée. Voilà, c'est fini pour la musique. En avant pour le bruit. Le bruit donc d'une machine à laver. Je suis bien qui décompense. Accélération momentanée. La douceur, la fameuse douceur dont on parlait, la douceur des états d'âme qui vont bientôt mourir sous un poids fardeau-sien, comme un gnostique. L'absolu étant donc accessible aux êtres humains, à la terre, mer, patrie, nationalisme, etc. Donc l'absolu, toujours étape. En plus du bruit d'une machine à laver qui décompense, je vais ajouter un rasoir électrique. Liens, donc, entre les liaisons et les liens. Vous connaissez. Comme une justesse, on observe très peu de variations de nomenclature, mais au moins elle reste là. En fond, un percolateur. La culture est toujours celle que l'on veut qu'elle soit. Situons-nous, nous sommes en train de cultiver des graines, de quelque chose qui serait juste en l'écoutant. C'est justement ce que c'est. Donc un clavier qui s'accélère. Toujours en avance sur son temps, la radio Canal Sud vous propose une émission savante. Sachez-le, c'est du bruit. En chantant. Nuisance, donc l'émission de tous les bruits. C'est de tout le bruit. La mort et la souffrance étant le maître mot de cette existence. Nuisance est là pour vous le rappeler, encore une fois. Je suis version matinale. C'est moi. Donc, c'est une émission qui nuit au sens. C'est l'année 2011, l'année de la zonze. Soyons heureux, car l'année 2012 sera l'année de la touze. Soyons heureux. Le stress, toujours le présent stress. Pensez au stress, nous n'allons pas oublier notre stress, mais pensez à votre stress. Pensez très fort. Avoir de la patience. Augmentez votre stress en pensant aux choses qui vous stressent. pour l'accepter. Ces choses qui vous stressent étant donc vous-même stressé encore et pour toujours dans l'éternité. Stressé. Donc une rature dans cette émission et elle est faite. Il reste officiellement 10 minutes pour s'exprimer. Je vais à présent me rouler une cigarette en pensant à vous, chers auditeurs et auditrices, qui devez endurer les pires tourments pour supporter cette émission de merde. Etienne. Ce sera mieux comme ça. L'air et la location pour l'influencer. Vainqueuse peut-être. Vainqueuse plus tard. J'aurai même démence. Inatrophié, si doux. La tolérance, opposée à la folie, potentielle dans un d'aller. À vivre. Que c'est pénible, l'émission Nuisance est toujours aussi pénible. Depuis les années qu'elle dure, elle est toujours aussi pénible. La pénibilité de la vie est toujours omniprésente dans Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Voilà, elle nuit au sens, l'émission Nuisance, dans tous les sens du terme. Elle nuit à tous les sens du terme, d'ailleurs elle nuit au sens, on n'a qu'à le dire. L'arsenal en fait. Mais c'est un peu pénible. Je suis tort de l'ancienne. Ah mince, je suis à l'antenne. Plutôt dérisoire.

plus du bruit d'une machine à laver qui décompense, je vais ajouter un rasoir électrique. Nous sommes donc le vendredi 25 mars 2011, de 21h15, en nuisance, sur le sud. En fond, un percolateur. Le percolateur. De collation. Bon appétit. La voie libre. Toujours en avance sur son temps, la radio Canal Sud vous propose une émission savante. Sachez-le, c'est du bruit. Nuisance, donc, l'émission de tous les bruits. C'est de tout le bruit. Bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit, bruit. Comme subversion matinale. Nous allons donc penser au stress, nous n'allons pas oublier notre stress, mais penser à votre stress. Pensez-y très fort, et puis augmentez votre stress en pensant aux choses qui vous stressent. Chose qui vous stresse étant donc vous-même stressé encore et pour toujours dans l'éternité stressé. Voilà, donc vous avez un vent solaire omniprésent pour la première fois il n'y a jamais. Je vais à présent me rouler une cigarette en pensant à vous, chers auditeurs et auditrices, qui devez endurer les pires tourments pour supporter cette émission de merde. Il y a donc des chamboulements énormes dans le studio, les Larsen sont omniprésents. Les Larsen, les bruits de canettes de bière et les pétards du 14 juillet. Comme un foie, un bruit de corps et de lézards. La fin furieuse du ciel derrière le soleil. Quelqu'un porte une ceinture de houille. L'enfonce calmement ce cycliste dans une morte. Un brisement entre nous. Une fenêtre qui se vide. Là-haut, il est cheval de neige. Enfant archéologue de l'utérus muet. Solitaire de lumière. Voleur d'eau provisoire. Avec un filet de silence. Péché de mémoire dévoyée. Une poitrine de terre. Malette et ses vases. Que sont les vers? C'est la nuit encore. Je palpite entre ces reins de gravier cuir et dehors. Je glisse mon âge. Ma hache d'eau. Ma vivante. Mon sommeil, une araignée tribunale passe ses lacets. Elle nous rejoignait pour les interrogatoires de l'homme. Une plainte cathare ferme et circulée. Je la vois rejoindre le verre éternel, les yeux de mes compagnons coagulent. Leur brasier flotte au centre. Comme on peut même parler en faisant l'arsenal en fait. C'est un peu pénible. Ah mince, je suis à l'antenne. Musique écoutez Canal Sud, le 92.2 FM Toulousain ou le canalsud.net, ouais bien. C'est la fin de plusieurs usages et de plusieurs nuisances. Nous avons l'occasion d'avoir un peu de silence dans cette émission pour une fois. Ça sera le temps de l'installation du matériel. Et ensuite, nous aurons donc des concertés. Un concert pour moi. Pour pas de message et PC. Attention à vous. L'émission nuisance est une émission qui nous pense, nous vous rappelons. Vous êtes donc sur Canal Sud 92.2 FM pour vous redire, il est 9h22, nous sommes le vendredi, si je ne m'abuse, le vendredi 25 mars 2011, donc comme j'ai dit 21h22, c'est l'émission Nuisance avec un concerto pour table de mixage et PC ce soir avec divers intervenants et nous vous souhaitons donc une agréable soirée. À l'écoute du 92.2 Toulousain ou du canalsud.net, ou est bien Toulousain, cette émission qui nuit au sens, Sarto de table de mixage donc, ce soir. Tout le plaisir qu'on vous doit. Donc, un peu instructif. Je pense un peu l'arsenal, donc le feedback est omniprésent. Now, or we will never be able to attain the goal. It's a wonder we're even here, man. We're not here, we're somewhere else. It's gotta be true, nous sommes ailleurs. Demandons au fou. Où est l'ailleurs, fou? L'ailleurs. Fou. D'ailleurs fou. D'ailleurs, les fous sont doux. D'ailleurs, les fous. D'où sont-ils les fous d'abord? D'ailleurs. Jamais dans l'éternité. Oh oui, oh oui. Oh mon Dieu. Il y a comme un hic. Seulement pris le temps avec toi.

serai pour jamais dans l'éternité. Oh oui, oh oui. Oui, un ventilo. Le son y est sans la lampe. La lampe est éteinte, car grillée. L'ampoule est grillée ce soir sur Canal Sud 92.2 FM, car c'est l'émission de nuisance. Mission nuisance grille les ampoules. L'émission nuisance est une émission qui grille les ampoules. Oui, messieurs, dames, vous êtes à Toulouse, France. Ou en enfer, car vous venez de subir un Larsen purulent. Larsen purulent étant donc un terme technique pour une grosse merde technique. Nique, nique, nique. Ni queue ni tête, toujours incohérence subalterne à la mission de nuisance, répandre l'incohérence dans le monde des humains sous-entendu. Le monde des humains doit subir sous l'incohérence un joug terrible. Celui d'un infernal infernitude. Vous allez bientôt crever d'infernitude. Boum. L'éternité est toujours représentée par ce vombrissement terrible. L'éternel. Ô gloire, ô gloire. L'éternel nous fait chier et nous le savons bien. C'est pourquoi nous le tuons jour après jour. L'éternité, on n'en veut pas, nous. On n'en veut pas. On est mortel, mortellement chiant, mortellement à crudité. Crudité comme des chirimis des têtes de poissons écrasées avec des queues de poissons écrasées, des arêtes de poissons écrasées, broyées jusqu'à faire des horribles cris. Des cris stridents. Qui représentent la mort. La mort de l'être parmi tant de non-êtres. Les fantomatiques revirements de situation parmi tant d'autres. Les possibilités nomenclaturées sont toujours lasses de l'éternité. Les Larsen sont finis ce soir, car j'ai interdit les Larsen dans cette émission. L'émission Nuisance n'est pas une émission Larsen. Merde. Tellement incontrôlable, incontrôlé, sous contrôle du feu, l'âme gît ou gicle, au choix. Et c'est à ce moment précis que la passion se subalterne. Du verbe se subalterner. C'est quoi ce boucan ? À la merde. Dire la merde. Parler la merde. Être la merde. Oh le être. Le beau arbre. Être la merde. La merde de l'être. Nous nous branlons dans la merde de l'être sur Nuisance. Car nous nous enculons toujours putride insatisfaction. Insatisfaction, donc du putride être, cet arbre de merde, je l'encule. Résumé de la situation. Sur la gauche, un être, sur la droite, une bite encule l'être, ou plutôt une chatte encule l'être. Oui, ça va mieux comme ça, l'égalité est toujours de mise. Nous enculons les uns les autres, enculons. Et n'oublions pas, donc le thème de ce soir est « Tuons-les tous », ou plutôt « Tuez-les tous ». Toutes ces nomenclatures, absurdes, absurdité, incohérence, liste atrophiante, comme la fiente est atrophie cérébrale. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc. C'est un bon jour pour mourir. Something. Do you hear what I'm saying? Don't you hear what I'm saying? You're dead already. Different way out of here. I mean, the here is different. Et il y a de la lumière partout. De la lumière donc qui éclaire la vision de la nuit que l'on a. Partout dans les studios de Canal Sud, 112.2 ou canalsud.net. Si vous ne le saviez pas déjà. Tous crevés. Il n'y a plus personne dehors. Tout le monde est mort. Que va-t-on faire? On va sûrement se tuer aussi. Ouais, chouette. Mais d'abord, je vais récupérer du cassoulet en boîte et en manger. Du cassoulet de Castelnaudary, oui. Car la région toulousaine est dotée d'un cassoulet fabuleux, celui de Castelnaudary, oui. Et le bon cassoulet, on le mange quand il est frais. Oui, quand il est frais. Le cassoulet, on le mange quand il est frais. Allez, bonne nuit à tous les petits. Je vous laisse sur ce. À tantôt. Vive l'Andalousie. Bordel de merde.